Je dis ce que j'ai vu et ce que je crois. Et qui dira que je n'ai pas vu ce que j'ai vu? Je lui déchire maintenant la tête. Car je suis une irrémissible brute. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le temps ne soit plus le temps. Ni le ciel, ni l'enfer, s'ils existent, ne peuvent rien contre cette brutalité qu'ils m'ont imposée. Peut-être pour que je les serve, qui sait? En tout cas, pour m'en déchirer. Ce qui est, je le vois avec certitude. Ce qui n'est pas, je le ferai, si je le dois. Voilà longtemps que j'ai senti le vide, mais que j'ai refusé de me jeter dans le vide.

Yeah. la réalité. J'ai assez de ce mouvement de lune qui me fait appeler ce que je refuse et refuser ce que j'ai appelé. Il faut finir. Il faut enfin trancher avec ce monde qu'un être en moi, cet être que je ne peux plus appeler, puisque s'il vient, je tombe dans le vide, cet être a toujours refusé. C'est fait. Je suis vraiment tombé dans le vide depuis que tout de ce qui fait ce monde vient d'achever de me désespérer. Car on ne sait que l'on n'est plus au monde que quand on voit qu'il vous a bien quitté. Mort, les autres ne sont pas séparés. Le tour n'est encore autour de leur cadavre. Le tour n'est encore autour de leur cadavre. Et je sais comment le monde tourne autour de leur cadavre. Oh!

je ne suis pas mort, mais je suis séparé. Il tourne ton corps, ton corps, ton corps, il tourne ton corps, ton corps, ton corps, il tourne ton corps, ton corps, ton corps.

كنت ماسكو واقف بالعنصر اشر على الاشر دار هوا الجروة كل شيء يجمعه واحسب الجيش وشابت فمولوش سرات ضيات ما بقات عيات Thank you. refuser de me jeter dans le vide.